Influenceur du néant du vide. Le vide est mon royaume, le néant est ma culture. Le pognon et le rimling sont ma religion. Je remplis les trous noirs avec du rien. J'ai jamais rien appris, j'ai jamais rien voulu apprendre. J'ai jamais rien compris, j'ai jamais rien voulu comprendre. Mais j'ai compris un truc, savoir faire semblant. Se prendre au sérieux, même si on a le niveau d'un gland. Un micro, une caméra, un angle flatteur. Et me voilà expert, philosophe, influenceur. Je sais résoudre les équations à zéro inconnu. Je sais que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle. Je sais compter jusqu'à 10. Influenceur du néant, du vide. Comme Nagui ou Arthur, je remplis le silence avec du rien. Influenceur du néant, du vide. Comme Nagui ou Arthur, je maîtrise le sourire artificiel. Influenceur du néant, du vide. Comme Nagui ou Arthur, de rire mes propres blagues comme un gant. Comme Nagui ou Arthur, mon menteur c'est le narcissisme et le pognon. L'intelligence artificielle me fait pas peur. Je suis le représentant de la connerie réelle. Si tout s'écoule, j'aurais filmé pour mes followers adorés. Je suis la vitrine sans le magasin, le rien emballé. Libre demain. J'ai lu zéro bouquin, mais j'ai tout résumé. Plus c'est compliqué, plus je suis sûr de moi. Je ne sais rien, mais j'ai un avis sur tout. La connerie, ça s'explique pas, ça se vit. Les valeurs tiennent dans un sac de luxe. Pognon, bling bling, like et abonnement. J'ai rien à dire, mais je vais vous le dire. Mes followers me coupent génial. Ça parle et dingue, mais ça marche. C'est la balle. Influenceur du néant, du vide. Comme Nagui ou Arthur, je remplis le silence avec du rien. Influenceur du néant, du vide. Comme Nagui ou Arthur, je maîtrise le sourire artificiel. Influenceur du néant, du vide. Comme Nagui ou Arthur, je lis à mes propres biens comme un gant. Influenceur du néant, du vide. Comme Nagui ou Arthur, vive le narcissisme et le pognon. J'suis habité partout pour répondre à la connerie dans le monde. Mais tant que c'est gratuit, j'fais mes valises. Fine-tied, après-moi le déluge. On se regroupe en coupeau avec mes congénères. Tous au même endroit où il faut être vu. Tous au même endroit où un bling-bling et la connerie sont moi. Nous sommes les ambassadeurs du vide. Nous sommes les ambassadeurs de rien. L'intelligence et la culture sont nos ennemis. Nous voulons être les parasites du monde. Exporter la connerie, c'est notre religion. Et comme elle se multiplie, on va se gaver de pognon. Narcissisme et le voyant.